Chapitre 1er. Les trois premiers Français, distingués par leur rang à la cour, qui offrirent le secours de leurs épées aux Américains, dit le comte de Ségur, furent le marquis de Lafayette, le vicomte de Noailles et moi. Nous nous promîmes tous trois le secret sur nos arrangements avec les commissaires américains, afin de nous donner le temps de sonder les dispositions de notre cour et de rassembler les moyens nécessaires à l'exécution de nos projets. La conformité de nos sentiments, de nos opinions, de nos désirs, n'existait malheureusement pas alors dans nos fortunes. Le vicomte de Noailles et moi, nous dépendions de nos parents, et nous ne jouissions que de la pension qu'ils nous donnaient. Lafayette, au contraire, quoique plus jeune et moins avancé en grade que nous, se trouvait, par un simple hasard, à l'âge de 19 ans, maître de son bien, de sa personne, et possesseur indépendant de 100 000 livres de rente. Il ne semble pas que cette offre si généreuse ait été tout d'abord approuvée par les Américains eux-mêmes. Les commissaires Silas Dean et Arthur Lee, qui étaient venus demander du secours à Paris et qui savaient que l'armée du général Washington était réduite à 2 000 hommes, appréciaient à son prix cette chevaleresque initiative. Mais ils se faisaient un cas de conscience d'engager d'aussi jeunes gens dans une entreprise si ardue. Leur scrupule se heurta à une résolution que rien ne pouvait ébranler et qui se sentait capable même de patience. Le marquis de Lafayette saisit le premier prétexte qui s'offrit à lui pour sortir de France. Il se rendit en Espagne, y acheta un vaisseau, se procura un bon équipage, remplit ce navire non seulement d'armes et de munitions, mais d'un assez grand nombre d'officiers qui avaient consenti à partager son sort. Au moment où il s'éloignait de Paris, la cour envoya pour l'arrêter des ordres qui furent exécutés. Ce ne fut qu'un retard. Il trompa la vigilance de ses surveillants, franchit secrètement les Pyrénées, et après 6 mois de péripéties romanesques, retrouva sur la côte espagnole son vaisseau et ses amis. Il mit à la voile, arriva en Amérique sans autres accidents, et il y reçut, dit M. de Ségur, l'accueil que méritait sa noble et généreuse audace. Pendant les 5 années que le comte de Ségur dut laisser passer avant de mettre son projet à exécution, il ne cessa de s'intéresser aux choses d'Amérique. On en a la preuve dans cette description qu'il a donnée de la visite à Paris des premiers hommes d'outre-mer qui se montrèrent à la cour de France. « On vit arriver, écrit-il, les députés américains Silas Dean et Arthur Lee, peu de temps après le célèbre Benjamin Franklin. Rien n'était plus surprenant que le contraste de luxe de notre capitale, de l'élégance de nos modes, de la magnificence de Versailles, de toutes ces traces vivantes de la fierté monarchique de Louis XIV, de la hauteur polie mais superbe de nos grands, avec l'habillement presque rustique, les manières simples mais fières, le langage libre et sans détour, la chevelure sans apprêt et sans poudre, enfin avec cet air antique qui semble être transporté tout à coup dans nos murs, au milieu de la civilisation amolie et servile du XVIIe siècle, quelques sages contemporains de Platon ou des républicains du temps de Caton ou de Fabius. Et ne semble-t-il pas à nous-mêmes que nous entendons comme l'écho des conversations qu'un Franklin eut peut-être avec ce jeune Français en lisant ce passage d'une lettre écrite de Paris par l'envoyé américain à son ami Josiah Quincy de Boston ? Je trouve que les Français sont la nation avec laquelle il est le plus agréable de vivre. L'opinion commune suppose que les Espagnols sont cruels, les Anglais fiers, les Hollandais avares, etc. Mais je ne crois pas qu'il y ait de vice national attribué aux Français. Il ne manque aux Français rien de ce qui appartient à l'homme aimable et au galant homme. Toutefois, cette concession faite au charme de la société qui l'accueillait, Franklin n'était pas d'humeur à rien abandonner de ses chers principes de démocrate. Ce qu'il voyait ne lui laissait nul regret de n'avoir pas eu de part dans les glorieux atavismes d'un régime ancien. Sa perspicacité prévoyait et dépeignait tout ce dont son peuple aurait fatalement besoin pour se développer. Son futur programme d'homme d'État américain tiendra tout entier dans cette lettre qui fut écrite de Paris en 1778, aux heures les plus angoissantes de la lutte pour l'indépendance. La masse de notre peuple est composée non pas de marchands, mais de petits propriétaires qui se plaisent à cultiver leurs terres. Grâce à la fertilité et la variété de nos climats, Ces terres peuvent nous fournir toutes les nécessités et toutes les commodités de la vie, sans que nous ayons besoin de commerce extérieur. Nous avons un territoire trop large pour avoir la moindre tentation de l'agrandir par des conquêtes sur de paisibles voisins. Notre milice suffit à nous défendre contre l'invasion. Notre commerce sera protégé par toutes les nations qui ont intérêt à faire des affaires avec nous. Rien, donc, ne nous pousse à avoir des flottes et des armées. Nous laissons à d'autres le soin d'entretenir ces coûteuses machines pour la pompe des princes et le luxe des anciens États. Nous voulons, s'il est possible, vivre en paix avec le genre humain. Le poids d'un empire indépendant ne sera donc pas aussi lourd qu'on l'imagine. Résolu à n'avoir ni place lucrative ni sinécure, deux choses si communes dans des États vieux et corrompus, un peuple honnête et laborieux peut être gouverné à bon marché. Le comte de Ségur dut attendre jusqu'en 1782, c'est-à-dire après la prise de Yorktown, la chance de s'embarquer pour l'Amérique. Il venait d'être nommé colonel en second du régiment de Soissonnais, et il était fort impatient de faire acte de soldat au service de la cause qu'il avait choisie. « Le sort, dit-il, semblait avoir décidé que guerrier je ferais une longue campagne sans bataille, qu'officier de terre je n'assisterais qu'à un combat de mer, que courant après l'ennemi je le trouverais en retraite et renfermé dans des forteresses inabordables, et que voyageur je serais forcé de toujours courir d'un lieu à un autre, du nord au midi, de la zone froide à la zone torride, sans m'arrêter dans aucun des endroits qui pouvaient le plus exciter ma curiosité. » Ce qui devait laisser un regret à cet ardent jeune homme tourne à notre profit. À quelques nuances près, la guerre a partout la même figure. Tandis que la rumeur de vie qui suivit la défaite de Cornwallis allait fournir à ce voyageur dont l'esprit était fin et pénétrant, l'âme noble, l'intelligence généreuse, l'occasion de remarques et d'observations d'un relief saisissant, qui demeure comme une peinture intéressante du peuple américain à cette heure de son évolution. L'expédition se composait de deux frégates, l'une la Gloire, armée de 32 canons portant du 12, l'autre l'Aigle, armée de 40 canons portant du 14. La Gloire abritait en plus 2,5 millions en ses coffres. On se rendit à Brest pour appareiller dans les premiers jours d'avril 1782. Il fallut attendre encore près de 3 mois, soit le 15 juillet, pour lever l'ancre. Les éléments semblaient s'être entendus avec la croisière anglaise pour boucher la sortie du port. La première escale, mi-volontaire, mi-imposée, alla aux Açores. Il fallait renouveler la provision d'eau. En plus d'un demi-siècle, les habitants d'Angras n'avaient vu que 2 fois des Européens, les passagers d'un vaisseau français et de 2 bâtiments anglais. Entre les habitudes raffinées qu'ils venaient de quitter à Versailles et les nouveautés un peu rudes dont ils allaient avoir le contact sur le sol américain, la civilisation de Tercère se plaça sur la route de ses marins comme un souvenir du Moyen-Âge et de ses cours d'amour. Le lendemain de leur arrivée, Ségur, Lauzun, Breuil furent conduits par le consul anglais dans un couvent où d'indulgentes nonnes éduquaient à la portugaise des pensionnaires très jolis. Leur aspect, dit le comte de Ségur, nous consola des 2 redoutables grilles qui séparaient le parloir et l'intérieur du couvent. La mère abbesse, suivie de sa jeune cohorte, arriva gravement derrière la grille avec le costume, la taille, la figure que nous représentent les portraits d'abbesses du XIIIe siècle. Rien ne manquait à cette ressemblance, pas même la crosse, car elle en tenait majestueusement une à la main. Après les premiers compliments, notre encourageant consul nous dit que, suivant l'usage portugais, nous pouvions, à la faveur des grilles, nous montrer aussi galants que nous le voudrions pour son jeune troupeau. Chacun de nous choisit donc l'objet qui frappait le plus doucement ses regards et qui semblait répondre avec le plus d'obligeance à ses œillades. Ainsi nous parlâmes promptement d'amour. Et comme nos jeunes portugaises nous lançaient des regards qui semblaient annoncer l'envie de renverser les grilles, nous nous crûmes obligés de répondre à ces tendres agaceries en leur envoyant des baisers, non sans crainte cependant de paraître trop téméraire à Madame l'abbesse. Enfin, cette bonne abbesse se mêla de l'entretien et, s'apercevant peut-être que notre joie était tant soit peu mêlée de surprise, elle nous dit, par l'entremise du consul, que l'amour pur était fort agréable aux yeux de Dieu. Ces jeunes personnes, ajouta-t-elle, auxquelles je vous laisse offrir vos hommages, s'étant exercées à plaire, seront un jour plus aimables pour leur mari, et celles qui se consacreront à la vie religieuse, ayant exercé la sensibilité de leur âme et la chaleur de leur imagination, aimeront bien plus tendrement la divinité. D'une autre part, poursuivait-elle, cette galanterie jadis honorée ne peut être que fort utile à de jeunes guerriers. Elle vous inspirera l'esprit de la chevalerie. Elle vous excitera à mériter par de grandes actions le cœur des belles que vous aimez et à honorer leur choix en vous couvrant de gloire. Ainsi parla ces jeunes officiers français une abbesse portugaise de l'île de Terceira. Les jeunes quaqueresses américaines qu'ils allaient bientôt rencontrer sur leur chemin étaient prêtes à leur tenir, sur la guerre et sur l'amour, des propos tout différents. Le 5 septembre, comme la gloire et l'aigle arrivaient en vue des Bermudes, ils se heurtèrent à un vaisseau anglais de 74 canons, l'Hector. L'engagement fut vif et glorieux pour le pavillon français. L'Hector coula bas, mais la gloire faisait haut, et le débarquement dans l'estuaire de la Delaware faillit, quelques jours plus tard, tourner en désastre. Les bâtiments français étaient pris entre des bancs de sable qui barraient le cours du fleuve et les vaisseaux anglais qui s'engageaient derrière eux dans la rivière. Dans ces conditions, l'aigle devait périr. Le comte de Ségur rend compte de ce combat dans une lettre charmante adressée à sa femme. « J'ai, dit-il, bien pensé à toi pendant ce moment critique. Et au milieu d'une grêle de boulets et de balles qui sifflait à nos oreilles, j'ai baisé tendrement ton portrait en présence du prince de Breuil, qui en a été bien attendri, et qui l'a baisé aussi. Dans toute autre circonstance, je n'aurais été jaloux. Nous avons pensé périr dans la Delaware. Nous nous sommes sauvés sans une chemise ni un seul domestique, mais par un miracle presque incroyable, la gloire s'est sauvée et l'aigle seul a péri. Aussi, j'aurai mes effets et mes gens dans 4 ou 5 semaines. » C'était au comte de Ségur que revenait le soin d'aller à Philadelphie informer M. de Luzerne, représentant de Sa Majesté le roi de France, des circonstances du débarquement et de lui remettre les dépêches dont il était porteur. On avait atterri dans un bois épais doublé d'un marais dangereux. De plus, la cause anglaise avait dans la région de nombreux partisans. Ces obstacles ne firent qu'enflammer le zèle du jeune officier. Il partit à jeun, sans domestique ni bagage, dans les vêtements qu'il portait au moment de l'échouement de son navire. « J'arrivais, dit-il, à Philadelphie, avec l'intention et l'espoir de m'y reposer au moins 8 jours. J'eus à peine 24 heures pour entrevoir la ville qui était alors la capitale des États-Unis. À la vue de Philadelphie, il était difficile de ne pas pressentir les grandes et prospères destinées de l'Amérique. Cette ville, dont le nom signifie la ville des frères, est située sur la rive ouest de la Delaware. Elle contenait alors 100 000 habitants. Ses rues larges et l'élégance simple de ses maisons frappaient les regards, malgré l'irrégularité des divers petits quais que chaque négociant a construits selon sa fantaisie sur le bord du fleuve. Le nom de Penn, fondateur de cette ville, vivra toujours, car il fut le seul Européen qui fonda légalement un État en Amérique et qui ne le cimenta pas du sang des infortunés peuples de cet hémisphère. Cette dernière remarque établit un lien entre la pensée de ce jeune gentilhomme français qui avait lu Rousseau et le pensif Quaker qui, à la fin du XVIIe siècle, était venu fonder cette colonie de Pennsylvanie. Fils d'un riche et honorable amiral anglais, sa religiosité ne provenait point d'une obstination têtue, car ses amis mondains disaient de lui qu'il était « a Quaker or some very melancholy thing ». Lui aussi, il avait cultivé la belle et rare vertu de désintéressement. À la mort de son père, il s'était trouvé créancier du roi Charles II pour des sommes importantes. Au lieu de réclamer l'argent qu'on lui devait, il avait prié le souverain de lui abandonner en Amérique un territoire où il pourrait accueillir ceux qui cherchaient la liberté de la parole et de la pensée. Son initiative avait eu la récompense qu'elle méritait. Les hommes qui avaient profité de cette chance s'étaient révélés industrieux et paisibles. la plupart des Quakers qui partageaient les idées fraternelles de leur chef. Ce chef, d'ailleurs, n'avait point cherché à imposer ses volontés. Il s'était limité au conseil. Il avait dit « Que les hommes soient bons, et le gouvernement ne pourra être mauvais. » À l'égard de ces Indiens, contre lesquels les habitants de la Nouvelle-Angleterre s'étaient heurtés dans des disputes perpétuelles et sanglantes, il avait agi avec la même mansuétude et il avait eu lieu de s'en applaudir. Ces sauvages avaient scrupuleusement observé le traité que Penn avait passé avec eux et où il leur disait avec une naïveté émouvante « Je ne vous appellerai pas mes enfants, parce que les parents sont quelquefois trop sévères pour leurs petits, ni mes frères, car les frères sont souvent en contestation. L'amitié qui existe entre vous et moi, je ne la comparerai pas à une chaîne, car une chaîne se rouille et se casse. Nous sommes comme les deux parties d'un corps que l'on aurait tranché. Nous sommes de la même chair, du même sang. » Comment ne pas remarquer que cette profession de fraternité éclaire, dans sa candeur, certains discours politiques qui, encore aujourd'hui, résonnent en Amérique, par exemple lorsqu'on vient à discuter du principe de l'égalité des races ou des amendements à la Constitution relatifs aux droits des nègres. Tout cela a son origine dans les actes de foi des Quakers du XVIIe siècle. Le comte de Ségur démêla tout d'abord avec clairvoyance ce caractère si particulier du peuple que l'on considère aujourd'hui comme le plus pratique du monde et qui cependant, avant d'aborder les affaires et de créer des maisons de commerce, bâtit des églises, qui érigea des clochers avant les cheminées d'usine, qui se préoccupa de ses rapports avec l'humanité avant de régler son attitude vis-à-vis de ses futurs clients, qui se forgea un idéal de vie morale avant de donner de l'attention aux conditions de son existence matérielle. Lorsque, plus tard, sur la fin de son séjour, le comte de Ségur eut l'occasion de voir de près la vie de Boston, il s'avisa qu'il avait pu passer d'un centre politique à un foyer de vie intellectuelle, sans quitter le terrain des préoccupations spirituelles. L'idéalisme de Penn avait triomphé des obstacles en feignant de les ignorer. Il avait été un acte de foi dans la bonté des hommes. Il s'était révélé le parrain de cet esprit d'optimisme si typiquement américain qui, aujourd'hui comme hier, continue de se manifester sous les dispositions les plus pratiques. Au contraire, dans leur passion d'indépendance, dans leur volonté d'exister seuls et de tout faire par eux-mêmes, les puritains de la Nouvelle-Angleterre forgeaient cette puissance de l'individualisme qui est le second trait en grand relief du caractère américain. Ils donnaient le spectacle de croyants qui avaient fui la persécution religieuse et qui à peine y avaient-ils échappé, persécutés à leur tour, sans merci, quiconque ne se formait pas d'un Dieu impitoyable et vengeur, la conception où ils se complaisaient. Leur orgueil prétendait rester en tête-à-tête avec cette divinité redoutable, et dans ses rapports avec elle repoussait tout intermédiaire humain. Les fondateurs de cette colonie de conscience se mariaient sans prêtre. Ils enterraient leur mort sans une prière. Si hardis vis-à-vis des choses éternelles, ils se manifestaient dans les relations temporelles avec cette arrogante confiance en soi et en soi seul qu'on appelle le self-reliance. Sans doute, ils correspondaient plus exactement que les Quakers aux nécessités d'une organisation où les champs illimités de l'activité, offerte à l'individu, allaient faire reculer au second plan l'importance des idées politiques et familiales. Ces deux tendances se complétaient d'ailleurs sans se combattre. Elles étaient différentes sans être opposées. Elles associaient le puritain avec le Quaker pour les fins d'une œuvre commune. Ce n'est pas à dire que cette collaboration ne trahit pas, chemin faisant, des divergences de sentiments qui se précisaient dans des actes contradictoires. Franklin, le Quaker tolérant par excellence, pouvait se lever dans une assemblée des patriotes de Pennsylvanie et répondre au comité de salut public qui proposait d'interdire aux clergés de mêler désormais le nom du roi aux prières officielles. À quoi bon cette défense? Voilà 20 ans que constamment le clergé prie Dieu d'accorder la sagesse au roi et à son conseil. Nous savons tous quel a été le succès de cette prière. Il est trop évident que ces messieurs n'ont aucun crédit à la cour du ciel. l'auditoire riait et l'on ajournait la motion. Or, pendant ce temps-là, les puritains de la Nouvelle-Angleterre brûlaient comme sorcières des chrétiennes qui prétendaient honorer Dieu par les œuvres plutôt que par la prière. Ils marquaient de la lettre infamante, le H, au fer rouge, quiconque était soupçonné d'hérésie. Ils dressaient des potences pour les quakers. Toutefois, on se retrouvait d'accord le jour où un messager apportait la nouvelle de la défaite de Cornwallis. Ce jour-là, le Congrès se réunissait d'urgence et il votait à l'unanimité la résolution suivante. Le Congrès ira aujourd'hui processionnellement à l'Église. Il rendra grâce au Dieu Tout-Puissant qui a couronné de succès les armées alliées des États-Unis et de la France par la reddition de toutes les troupes britanniques sous le commandement de Cornwallis. Dans le même sentiment, on continuait de réserver aux ministres du culte la place d'honneur dans les banquets officiels. On les chargeait de bénir les repas, mais là s'arrêtaient les prérogatives du clergé. Dès la première heure, le Congrès avait exclu tous les ecclésiastiques, sans exception, des assemblées politiques et civiles. Ainsi, la religion n'était pas un fait de gouvernement. On la reléguait dans le cœur de chacun. On devine que l'idéalisme des Quakers était plus fait que l'intransigeance des puritains pour séduire le comte de Ségur. Il juge en ces termes l'état d'âme qu'il avait trouvé régnant à Philadelphie. « Toute la ville, dit-il, est un noble temple, élevé à la tolérance, car on y voit en grand nombre des catholiques, des presbytériens, des calvinistes, des luthériens, des unitaires, des anabaptistes, des méthodistes et des quakers, qui professent chacun leur culte en pleine liberté et vivent entre eux dans un parfait accord. » Le jeune voyageur aurait volontiers prolongé son séjour parmi ces gens paisibles et hospitaliers. Au bout de 24 heures, un officier détaché par le baron de Viomesnil lui apporta l'ordre de se mettre tout de suite en route pour les États du Nord. Les dépêches qu'on lui avait confiées étaient impatiemment attendues par les généraux Rochambeau et Washington qui campaient alors près de la rivière Hudson. Monté sur un assez bon cheval, il reprit son chemin et la fatigue ne l'empêcha jamais d'ouvrir les yeux sur le pays qu'il traversait. « Je trouvais partout, dit-il, dans tous les bourgs, dans toutes les villes, dans toutes les maisons particulières où je m'arrêtais, la même simplicité de mœurs, la même urbanité, la même hospitalité, le même zèle pour la cause commune et le même empressement pour me faciliter les moyens d'arriver promptement à ma destination. À chaque pas, sur ma route, j'éprouvais deux impressions contraires. L'une, produite par le spectacle des beautés d'une nature sauvage, et l'autre, par la fertilité, la variété d'une culture industrieuse et d'un monde civilisé. Nulle part, l'indigence et la grossièreté. Chez tous les individus, cette fierté modeste et tranquille de l'homme indépendant qui ne voit au-dessus de lui que les lois et qui ne connaît ni la vanité, ni les préjugés, ni la servilité de nos sociétés européennes. Tel est le tableau qui, pendant tout mon voyage, surprit et fixa mon attention. Là, nulle profession n'est ridiculisée ni méprisée, et dans des conditions inégales, tous conservent des droits égaux. L'oisiveté seule y serait honteuse. Dans les premiers moments, j'étais un peu surpris en entrant dans une taverne de l'avoir tenue par un capitaine, par un major, par un colonel, qui me parlait également bien de ses campagnes contre les Anglais, de l'exploitation de ses terres, de la vente de ses fruits et de ses denrées. Les grades militaires et les emplois n'empêchent personne d'avoir une profession. J'étais encore plus étonné lorsqu'après avoir répondu aux questions de quelques-uns sur ma famille et leur ayant dit que mon père était ministre ou général, ils me demandaient quelle était sa profession ou son métier. Au cours de cette rapide chevauchée, M. de Ségur ne put s'arrêter que peu d'heures à Trenton et à Princeton. Il le regretta. « J'aurais vivement désiré, dit-il, connaître plus en détail ces deux jolies villes, car elles rappelaient les souvenirs glorieux des actions brillantes de Washington et de Lafayette et d'un grand nombre de guerriers qui avaient su forcer les Anglais, malgré leur tactique et leur nombre, à estimer ce peuple insurgé pour lequel ils avaient affecté un si injuste mépris et à reconnaître que l'amour ardent d'une sage liberté est de toutes les puissances la plus redoutable. » Le prince de Broglie, qui fit le même trajet, a noté, lui aussi, des détails qui complètent pittoresquement les observations de son ami. « J'étais seul, écrit-il, avec deux valets, en sorte que rien ne m'empêchait de me livrer à mes réflexions. Je considérais avec plaisir ce peuple et ce pays naissant. J'étais, de temps en temps, arrêté par des points de vue imposants. Je traversais des forêts immenses, et je rencontrais de deux en deux lieues des villages bien bâtis, où l'on ne voyait aucune trace d'indigence. Les habitants bien vêtus, grands, forts, et déjà fiers de leur liberté recouvrée, achevaient de me décider en faveur d'un pays qu'ils semblaient chérir si parfaitement eux-mêmes, et la vue d'un grand nombre de jolis visages de femmes ne me paraissait rien gâter à cet ensemble. Je m'arrêtais pour dîner et pour coucher, et partout j'étais reçu avec la plus parfaite hospitalité. J'aimais à causer avec les maîtres de la maison. Nous dînions ensemble sans cérémonie, et sans que le mari s'en formalisât, j'embrassais l'hôtesse quand elle était jolie. Ses petites caresses et la complaisance dont j'usais toujours pour parler politique et papier public avec mes hôtes me valaient ordinairement la meilleure chambre de la maison. J'obtenais aussi, ce qui est encore plus rare, d'avoir à mon lit des draps qui n'eussent encore servi à aucun gentleman, et je marquais tant d'aversion pour coucher en compagnie, à moins que ce ne fût avec l'hôtesse, qu'on m'accordait encore de n'être pas réveillé pendant la nuit par quelque survenante inconnue. Toutes ces petites préférences, dont on n'a pas d'idée en France, sont de grandes faveurs en Amérique, où la propreté n'est pas aussi bien établie que la franchise. Ce fut seulement à la date du 26 septembre que le comte de Ségur, qui avait quitté Paris le 12 avril, arriva au terme de son voyage. Le jour même, il écrivit à sa femme pour lui confier ses impressions premières. « Me voici enfin à notre armée. J'ai vu avec intérêt cette effrayante rivière du Nord ou d'Hudson, qui a plus d'une lieue de large et qui coule entre deux chaînes de montagnes inhabitées, couvertes de vieux pins, d'antiques chênes et de noirs cyprès. Cet aspect âpre et sauvage me communiquait des impressions nobles, tristes, profondes et un peu romanesques qu'augmentait la conversation de Mauduit, qui me rappelait tout ce qui s'était passé sur ce singulier théâtre où, depuis 5 ans, la liberté combat contre la tyrannie. En voyant ces masses hideuses de rochers, ces abîmes sans fond, ces immenses forêts, on ne conçoit pas la folie des Anglais d'avoir espéré un moment de réduire un peuple animé par l'amour de la liberté et défendu par ces inexpugnables remparts. Le fait est qu'au moment où les Anglais avaient considéré avec dédain les premières menaces de leur colonie, ils ne s'étaient jamais imaginé que ces colons d'outre-mer inspireraient un jour à l'élite de la jeune noblesse française un intérêt si vif. Ils ne pressentaient pas davantage que des émigrants d'origine si disparate de croyances et de conditions sociales puissent trouver un si puissant lien d'union dans leur goût commun pour la liberté. Rochambeau, à qui n'échappait point la diversité de leurs opinions, a été frappé de ce qu'il y avait d'admirable dans leur solidarité. « Ceux du Nord, écrit-il, composés de propriétaires, dont les fortunes sont à peu près égales, durent tendre nécessairement à la démocratie. Les États du Sud, comptant beaucoup de grands propriétaires au milieu de blancs moins aisés et d'une grande quantité de nègres, visaient naturellement à l'aristocratie. Tous, cependant, se réunirent très promptement à déclarer la liberté, l'égalité et l'indépendance de la mère patrie, en conservant un grand respect pour les propriétés. Ce que M. de Rochambeau ne dit pas, c'est que parmi les 13 États qui formaient alors en Amérique les possessions anglaises, 6 seulement avaient été fondés par les Anglais. Il y avait 2 établissements hollandais, 2 français, 1 suédois. Lord Baltimore et William Penn avaient agi à titre privé, et s'il est vrai qu'une douleur commune est entre les hommes un lien plus fort qu'aucune joie, tous ces Américains avaient passé par la même épreuve, par la persécution religieuse. C'était elle qui les avait chassés de leurs pays respectifs vers une terre neuve. Elle agissait sur eux comme un stimulant de la foi. Elle leur inspirait une passion pour la liberté qu'ils suçaient autant dire avec le lait. Les histoires populaires des États-Unis, que l'on met encore à cette heure entre les mains des écoliers, rapporte, non sans fierté, cette anecdote qui se place aux environs de l'année 1770, c'est-à-dire 5 ou 6 ans avant la rupture avec l'Angleterre. Pendant l'hiver, les soldats anglais de la garnison de Boston s'étaient amusés à détruire les glissades que les enfants de l'école avaient construites pour leur divertissement particulier. Ces petits garçons allèrent trouver le général anglais pour lui manifester leur mécontentement. « C'est ainsi, s'écrie-t-il après les avoir écoutés, que vos pères vous enseignent la révolte ? Ils vous envoient jusqu'ici pour m'obliger à la toucher du doigt ?»« Personne, répondirent les enfants, ne nous a envoyés à vous. Jamais nous n'avons injurié vos troupes. Mais vos soldats ont démoli nos glissades. Nous nous sommes plaints à eux. Ils nous ont appelés jeunes rebelles. Nous nous sommes adressés au capitaine, ils ont ri. Et de nouveau, la nuit dernière, on a gâché notre travail. Nous ne tolérerons pas plus longtemps ces mauvais procédés. » Le général ne doutait pas que ces menaces ne fussent suivies d'effets. Il donna l'ordre à ses soldats de réparer les glissades. Il dit « Comment voulez-vous arracher à ce peuple la notion de la liberté ? Depuis sa naissance, il l'a dans les moelles. » Ces dispositions premières n'ont pas varié. Certes, les Américains d'aujourd'hui connaissent tout autant que leurs aïeux l'opposition des idées, des intérêts. Toutefois, ils sentent de même, et leur passion commune est celle de la liberté.